de Silo Hint à Brezhoneck. C'est l'heure de retrouver Hint à Brezhoneck. On retrouve Henri Le Naou pour l'émission Inter Brezhoneck Kentel Pemkan Tri Adaugen 543. Voilà. Cette semaine, Henri, Guerriou Arvué avec un nouveau mot. Oui, alors c'est un adjectif qu'on emploie très régulièrement qui est neubet. Neubet, c'est le contraire de kals, c'est-à-dire c'est peu, neubet. Et c'est très employé. Alors, c'est un mot qu'on trouve aussi en gallois et en cornique, hein, les langues sœurs du breton, donc un mot d'origine celtique. Alors, comme je le disais, c'est le contraire de kals. Par exemple, on va dire kals de dut, beaucoup de monde, neubet de dut, peu de gens. Hein. On dit aussi kals de dut, neubet de chicourt. Oui, oui, oui. Ouais, aussi kals de vogue, neubet de dande. C'est quoi ça? Kals de vogue, beaucoup de fumée, neubet de dande, pas beaucoup de feu. Ah ouais, ça peut arriver. Oui, oui. Alors il y a des nuances hein, dans le peu, il y a beaucoup de nuances. Par exemple, ne boire assez peu, ne boire du doigt, ben Laverne, il y a assez peu de monde à la messe. Hein. Ou alors au ne pas mal de dut, hein. Pas mal de gens. Il y a plein de nuances, hein. Des degrés dans l'abondance en fait. Hein, voilà. Comme pour Kals, d'ailleurs, on dit Kalsig hein, aussi. Un petit peu de beaucoup. Hein, c'est très subtil, le breton. Hein. Reneubet, trop peu. Hein. Reneubet. Tremengandneubet, se contenter de peu. C'est-à-dire passer avec peu, quoi. C'est quelqu'un qui vit avec parcimonie, en quelque sorte. Volontairement ou involontairement, bien sûr. Ebenneubet, d'ici peu, hein. Ebenneubet, vos clèves de coucou. Hein. Bientôt, on entendra le coucou, par exemple. Hein. Neubet à neubet, petit à petit. Hein. Neubet d'Amser, hein, peu de temps. Rogue neubet d'Amser, avant peu de temps d'ici. Hein. Voilà. Alors, comme c'est un adjectif, on a aussi le comparatif et le superlatif, hein, avec en or et en an. Hein, donc, le comparatif, ne ptor moins de, ne ptor redut, ne ptor redut, ve ba bistroyo. Il y a de moins en moins de monde, il y a moins de monde dans les bistrots. Ce qui est vrai d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ferment en Bretagne. Voilà. Oui, neptor dut, neptor longnet, hein, ou avoir marrette, hein, il y avait moins de bêtes sur le marché. Voilà. Neptor touriste zobé de Blanc-Mans. Il y a eu moins de touristes cette année. Ce qui est vrai aussi. Et le superlatif, neubetant. Par exemple, dans la chanson Martelot Diawang, il conclut en disant, paison j de neubetant, tanyroise de goélette. Quand vous y penserez le moins, ils reviendront les voir. C'est le marin disparu qui ou considéré comme mort qui revient le jour du remariage de sa femme. De sa femme, oui. Et il la récupère et l'autre n'a plus qu'à dégager. Ouais. Voilà. Alors beaucoup d'expressions. Un obtenor goéland. Le moins est le meilleur. Ça va dans certains cas, pas toujours. De Neupton au moins. Neuptor Neupton de moins en moins. Voilà. Et puis finalement, pour terminer, le verbe Neuptat qui veut dire diminuer. Hein. Neuptadera, j'ai encore repris le même exemple. C'est une. Neuptadera une dute balaverne. Il y a de moins en moins de monde à la baisse. Je crois que c'était dans les bistrots. Oui, j'ai dit dans les bistrots, à la messe, enfin. Tous les lieux de rencontre, en fait, il y a moins en moins de monde. Enfin, peut-être pas tous quand même, hein, ne perdons pas espoir. Tienneben, hein, pas plus, pas davantage. Hein. Voilà, et puis je pensais terminer, mais je l'ai déjà dit, par Kals de Vogue à Neubet de Dande, beaucoup de fumée et pas beaucoup de feu. Quoi. C'est-à-dire beaucoup de discours et peu d'action. Ouais. Ben, on finit là-dessus. Ben, les coffins, les vies déchues. On passe à la seconde partie, Brezhoneck, Tambe à Tambe. Thank you. Brézonnec, Tambe à Tambe se passe aujourd'hui à Kerzolek. Ah, Kerzolek, qu'est-ce que je raconte? À Zantolek. Henri, c'est Zantolek? C'est Zantolek, oui. Bon, voilà, on va pas un peu de géographie quand même. Donc, oui, Zantolek, hein, on le rappelle, qui est une petite commune entre Trémargat, Pemrit et Lanrivain. Ouais. Voilà, il n'y a qu'à chercher ça sur la carte. Il ouais. Y a aussi Poulderien à côté. Ah ouais, Poulderien à côté, oui. Qui est à peu près au même endroit. Oui, mais un peu décalé. L'autre côté du Blavet. C'est ça. C'est Chanik qui part voir le président des boulistes. Des boulistes, oui. Qui s'appelle ? Qui s'appelle André Ergac, qui habite Kerverne. Mmh. Voilà, alors on les écoute. Salut André. Mad je gandor ? Ja, ne ce que te glem, Chanik. L'arrêt d'Inta, André. Oui, est président d'un boulistet ? Ja, Chanik, président d'un stroll à Berterboulo, so bezav et triver lasso, gantut de Zantolek à de Spouderien. En mon bas boulodrome Zantolek ? Ja, Chanik, on est glaceau et bezavet, or boulodrome ker et tutso et lavar, mames et ilis or boulo. A Galies et verroiriet boulo, vraiment ? Oh, ja, bemdi peveklou à roi, un amzer, plusieurs adore et gros au beurre parti, a gavejo ve tudio wang, divejeur mis ve gret en mon skol or boulo evite, a baskol, evide tapou, avec disque d'or vugales, roi boule yvé. Asi oblige casse d'or vugales. Aga vugales, gomes brezonek, zis brezonek bascol, avec aide pétra et brezonek. Donnerine, Hervège Benac et Davelezé. Yaya ma peu soin, Chanik. Allez, on reprend. Le dialogue, le petit dialogue entre Chanik et André. Salut André, madame Jugandor. Oui, ça va. Yaya Chanik, ne ce que d'aglem. Y'a pas à se plaindre. La ridinta, André. Oui, et président d'un boulistet ? Oui, dites-moi André, vous êtes le président des boulistes. Alors, boulistes, hein, c'est un pluriel de nom de personne qui ne se termine pas en ou. Donc, il y a une mutation. Hein. Bouliste donne boulistet. Voilà, mutation adoucissante. Ya, Chanik, président d'Arstrolat Berterboulo. Oui, je suis le président de l'association Berterboulo. Alors là, c'est difficile à traduire, c'est sus au boule, allons au boule. Hein. C'est presque intraduisible, ça. C'est un cri du cœur. Voilà, Berterboulo, ouais. Betzavet Trivervasso, Gantut de Santolek à De Spouderien. Oui, qui a été créé il y a 18 ans par des gens de Santolek, Santolek et de Plouderien. Donc c'est intercommunal. À Gamma, on bat boulodrome Zantolek. Et ici, on est dans le boulodrome de Zantolek. Ah, il y a Chanik. Unek Vlasso et Betzavet. Oui, il a été construit il y a 11 ans. Alors, boulodrome Ker. C'est un beau boulodrome. J'arrive pas à te lire. Tu de l'avarier, Iliseur Boulo. Tu de zo à l'avarier, Iliseur Boulo. Certains disent même que c'est le temple des boules. Voilà. À Galies, c'est verroirier de boulo en main. Et on joue souvent aux boules ici. Ah, ya. Même des pavés clous à avoir en Amzer. Oui, quand le temps est assez doux, assez tiède, hein, si, littéralement, on peut jouer tous les jours. Pligera d'Arégos, Oberer Barty. Oui, alors, si on traduisait littéralement, c'est « il plaît aux anciens, régos, hein, aux vieux, de faire une partie ». Alors, on dit « partie hein, », tout simplement. Hein. « Agavechou et veillé, tu dieu hein. ». Et de temps en temps, il y a aussi des jeunes. « Dieu vechezune ». Ah, « Dieu vechermise et veigret en man, scolar boulaou évité ». Oui, deux fois par mois, on fait ici l'école des boules pour eux. Alors, il y a déjà eu des émissions qui parlaient de ça. À Bascol, évite en tapou, et desquet roire et boulot d'Arvugale. En tapou. Oui, alors à l'école, pour les tapes, hein, les temps d'activité périscolaire, là, hein, dans la nouvelle réforme, là, pour les tapes, donc on apprend aux enfants à jouer aux boules aussi. Azé oblige d'Arvugale. Et ça plaît beaucoup aux enfants. À Arvugale. Et les enfants, ces enfants-là apprennent le breton à l'école. C'est tu végret peptra et brezonek. Si bien que tout est fait en breton. Donarine. Ah, je viendrai. Norvège Beninquet devait léser. Une fois pour voir ça. Répond Chanik. Et on termine. On passe à Petra, zone Vervo, Eri. Voilà. Thank you. Eri, petras o nevez ar vont ? Ben kalz e draou evel just boer vej diouzan. Krogom evel kiz a kustum gant eo labour douar hag eo labour hag vu e war ar maez. Erruom bremañ ba mizme, ba kreiz e mizme pe la rin mat, ur e goz eo lare ba mizme globem de zoche, globe beide de ketra war. Hag guir eze, alizm eus kled mam goz la reze, hag trawel vijelar etvel ba mizme kan ap gey, peut dire gresque vous niseur grand up calze drau dis zo war misme ag gueleron zo behard et calze vaïs tro adro ag m'ave omzorvad de la rade m'ave dour à tomder et gresque vous nis ag ayer gokouk bavro klepenay gel ja ja mi mes klepenay der te beure ja, on n'est que de quoi l'abri de blanc, mais bon, peut-être, même Cleven, quand Hindel m'a petit remont, nous veut abri d'Hermode, mais de blanc, mais moi qui tiens l'abri. Bon, et bien, juste, au red, là, on n'est que des heures votades, qu'elles habitent, sur Traménède, hein, Traménède et Néhydro, des heures votades, vide, là, quand on dit noir trône d'Agobert, mais là, bon, je compte le goujet. Ag, vejement, zo ed ar poyaouang, biskoaz tiem edel, oa ke bedo nant tien yaouang zo roaz, hag un tri har deus un dun deus vot eus vitan, pez oa ke begwell de ive. Hag am breiz am zo bet kalz eo mwej o evit ar poyaouang zo Emmanuel Macron, a mam eus batre malgad ka etou de ren deus vot eus vitan. Bon, gwelet vo pet pes a mod vo kont vo raevan pudur prestig vo votade gwael roas vit kamen deputé ed. Bon, war da chen an ekonomi eus hag vu e bavro, hat digor eus ebet de nevesso, linen hentouarn zo trek gwenkan a Pempoul. Hag linen ze, honso linen a oebe krou de rwerugen lasso, spend werugen lasso mames hag linen zeur a rwer kilomet a tregon hag an sinik gwal hir med memes traz o dek tigar het a het gant le linen a tri harder lak un train breman don de gwen gant pet a Pempoul. Hag bon, zezo mat, kar de linen ze evel just, zezo, on tamm deus glad ar vro, hag deus ekonomi ez vro, a kalze dud dap a un train, war a linen ze. Bon, dans mon tamm war dachen ar brezon, vraiment, un deel moalar ed pesamod oa begoul gant re oa war a rank, vid mont de president, pet jon jan di war ben yez ou gwasket hag juzma de Manuel Macron e walar doa du evit vef ebit zinet karta ur yez ou gwasket de bro Europa gwelet vo Richard Ferrand zo tos deus Manuel Macron neus lar de war gred or striv vid ar brezonek avid yez ou gwasket bon gwelet vo. Hendel han avemad de Bavro Francis Favreau vi de la bon deus gret de la bour diven deus gret vi d'or brezon de gant gant d'or geria d'or glas deus be de imbande de dian tantoud oa be de imbande hez ur geria d'or glas hag e o la bour o la bour manar neus gret o travail de Benedicta ve l'ardin galag warze a vreman neus ne vesso neus radin bandet or geria durel or geria dur godel a zo haunet dictionnaire de poche du breton contemporain hag zezo un dra precius vid vid diski brezonek hag vid rezo tiski brezonek a mamaz vid reel peut dire bonne calze guerre aux obars ma trezen peus klev de Francis Favreau display ganze ba war wagen ou RKB banaba de Nürnberg yad artu de zevro a gane display ke pes a pal oa ur geria d'urze a gane tuel de ze on dra vade peut dire de gouske de me dauze gero bon Bichon war dach en zevenadur, ba fin em izeven, vo ba melionek, vid en onek vet kwech, em gav yo ar film ou an ur strolat, ti film. A blanc maroas vo gred pevar portret filmet gant pevar den de ze vicher a vo gred portrejou de ze daoubod hag dioublar hag film ou zeus e zo film ou bord o hard ur pedis vo disque ba melionek de no warnugen e miseven evit digor e en em gavio. Wardash en ur glad oas, c'hwer tourtan de skuchol zo bet laket d'war listen ur zavadur yo istorel. Vel re kereon, ur gazeg, ur vorn, ur main du, hag un tour yo tanz vo mir hag dis yo man yo ar listen zavadur yo istorel, halo ur stad, zikour evit mir oud un tour yo tanz, hag ezon dravat. N'eus ket gwall belzo, enfin, ugen lasso a bet da imbande deja, bande istor breiz, bande nou tresed. Ka vreton de blichte gout an dra benek deus istor obro, me benefin war an ket kal ze dra, putur vek diskeze bas kol. Hag vech jant an oa bet gred bande nou tresed ze gant René Lehonsec a Reynald Secher, a bremañ zo c'hat krog d'or un istor vro bant un treset gant Thierry Gigourel hag un treser e Daniel Brecht hag im bant de bet lever tientan zo haunet breiz histoire de la Bretagne Thomas le peuple indomptable a zezo im bant gant soleil d'abord un bonadur yo soleil. Bon, c'est usé, bon, on dra va, donc, de rayon, d'asque, on bichete, trop, bon, bandené ou tresse de 10. Bah, mur, on dra elle, vraiment. Bah, mur, bah, bour mur, on manio sevel, au heu, mot de cause. Veloa quand vel on tombe pebler quoi gel bah crise bourg au vigé au ho vidor marat a gazé mon ro on en hervé réolé nou en ars a bon from zo gret from quat a vraiment taillen tour de rilo bon a gazé vos bras de fel ba mur puis on comes de ce Lévriou, au Lévrel, j'obé de Gret, grand Pierre-Henri Alain, à Gezohange, ou de Les Bretons. Un d'ils, un de ce Gret, on sort trop Brace, et vite classe comprenne, Peter et Spire de Brace, à Spire de Bretonnet. À Gevégenambes, j'obé Gret, les verres, y'a dit, soit, ou à Spire de Brace, puis dur, un d'une babrohal, j'ozoué de Vel, de Chombé, c'est Véna dur Brace. Bon, vejen amzom eus bekom ze dame de Jean Guillaume de Stierien. Jean Guillaume de Stierien zo un den hag oa began ba Jean-Jli Plijo, c'hwer la perugen zo, hag deus i vichur oa matlasa, a zo oar zo kal ze dud a gous karoaz oa matlasa ou begret gant Jean Guillaume. Hag o vej oa echu gant i vichur neus non laket de zikour an dud an pechet, a de gret ni oa o greizen ba tierien, a oa hanvet ur barados, o sort barados war ur bet, vid digemmer tud an pechet, bugale, tud koz, tud ur oang bop sortut, hag zikour raive re oa target gant ur boesson, hag on den an eus begret kalz draou vid zikour ur reel. Hag ostrolat oa bekrouet vid zikour nan, mignon neud Jean Guillaume, hag ba bladaou milno, ba miseven oa begret or, ur gwell vitan, evit reidan urz ur merit. Hag Jean Guillaume, un deel zo et nan an, hag bon kalz dud ni derojonj deus un denz. Puis on compte de studer de Nanang, Corinne Herel, députée Eslanu, Nezomar, NDL, Waller, Onem, Vaud, Wabaplouizi, hag bon tout un duzo pesco et grandier plusieurs de leur plat ne voit comme rentre quand là a voyi si me grand tout d'un dut bon et vide chui ba mis meurs ou un ouvrier yen au labourat ou un nenz autre zanigoun en aki en gris moelou a hadkav neng hormine skizelet hag eus oa sichen or groz o halver ma peswan a oa oa harz parous harz tre parous ki an grist a parous an egouden enfin parous diod gwejel a oa remins zo skrivet ur bla mil o er kan seiz a rentor kan hag zezo fentus war gwelze ur egoz ne jonge de ze groz hag zezo frommus gwelze hein, zezo a banamzer un tan manner gwel peus nei war ge ge ge par vord an ent par vord an ent ya ya bon set un tamp de spesso neve bavro a ben vegel ou kontoras geno eri